من يقتدى به ويؤتمر بأمره وينقسم إلى قسمين إمامة في السلطة وإمامة في العلم. Et donc on a parlé dans la khutba précédente de la signification de la nasiha envers les dirigeants des musulmans. Et on a clarifié leurs droits, c'est-à-dire le droit que les dirigeants ont sur nous. Et le terme a'imma, c'est le pluriel du mot imam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'imam? On veut dire celui à qui on se réfère, et celui qu'on écoute et qu'on prend son ordre et son commandement. Et l'imam, ou les catégories d'imam, sont de deux. Le fait d'être imam dans l'autorité, c'est-à-dire celui qui a l'autorité et le pouvoir politique, celui qui a la tête de l'État. Donc ça, c'est un imam dans le pouvoir. Et le fait d'être imam dans la science, c'est-à-dire dans la science religieuse et dans l'islam. وَالْأَئِمَّةُ فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَهْدِ مُعَاوِيَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ فَهْمِ الدُّنْيَا وَفَهْمِ الشَّرِعَةِ وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ كُلًّا مَا يَخُصُّهُ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ. Et donc, les imams à l'époque des Khulafa al-Rashidin, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, et à l'époque de Muawiyah, radiyallahu anhum ajma'in, eh bien, ils réunissaient ensemble la compréhension des affaires de la dunya et la compréhension de la sharia, c'est-à-dire de la législation divine. Wa amma ba'da dhalika, et ensuite, après cela, les ulama ont dit que les dirigeants, ou ulat al-umur, sont chacun dans ce qui les concerne, c'est-à-dire chacun selon son domaine. Soit qu'ils sont des ulama, les savants de l'islam, ou les dirigeants, c'est-à-dire al-umara. Et donc il y a ces deux catégories de a'imma et de imam. Wa fil amr al-'am alladhi yata'allaqu bi umur al-muslimin al-'amma wal-ulama fi amr ad-din fa ulat al-amr yu'na bihim hadha wa hadha. Et donc dans les affaires général des musulmans, eh bien, on dit d'eux qu'ils sont des ulat al-umur, qu'ils sont des dirigeants, et de même que les ulama de la religion, on dit d'eux qu'ils sont également ulat al-amr. Sauf que une catégorie d'entre eux s'occupe des affaires générales de la umma, et l'autre partie, c'est-à-dire les ulama, s'occupe des affaires de la religion. ثم سار الأمر فيما بعد أنه تولى الأمر من ليس بعالم لما شاع الملك في عهد بني أمية ثم عهد بني العباس فما بعد ذلك فأئمة المسلمين المقصود بهم في الحديث هم الذين يلون الأمر العام أما أئمة الدين فلهم نصيحة أيضا. Et donc les dirigeants dont on parle dans ce hadith, le hadith de Tamim ibn Aws, eh bien c'est les responsables des musulmans, ceux qui sont au pouvoir. C'est à eux qu'on doit donner la nasiha. Et c'est d'eux qu'on a parlé dans la khutba précédente. Et à l'époque, donc, des khulafa, comme on l'a expliqué, eh bien, les gens avaient la connaissance de la sharia et des affaires de la dunya. Mais par la suite, il y a eu des dirigeants qui ont pris le pouvoir qui n'avaient pas nécessairement de connaissance de la sharia, comme ça a été connu à l'époque de Al-Abbasiyya et à l'époque de Bani Umayya. Il y a eu des dirigeants qui dirigeaient la Umma, mais qui n'étaient pas nécessairement des ulama, des savants de l'islam, et ils se référaient aux savants et aux ulama de l'islam pour juger dans les questions ou trancher dans les questions lorsqu'ils avaient besoin d'un verdict ou d'un jugement par rapport à l'islam. Donc quand on parle des dirigeants des musulmans, on parle de ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir politique, et quand on parle des dirigeants de la religion, des responsables de la religion, c'est-à-dire les a'imma, les ulama, eh bien eux aussi ils ont une nasiha aussi, et ils ont un droit sur nous. وَلَهُمْ حَقٌ الْعُلَمَاء لَهُمْ حَقٌ وَالنَّصِيحَةُ لِلْعُلَمَاءِ بِأَنْ يُحَبُّوا لِأَجْلِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وما يبذلونه للناس من العلم والخير وأن ينتصروا فيما يعني وأن ينتصروا فيما ينشرونه من دين الله وفيما يقولونه من أمر الشريعة وفيما يبلغونه عن الله. ومن حقوقهم أن يذب عنهم وعن أعراضهم وأن يحبوا أكثر من محبة غيرهم من المؤمنين، لأن الله عقد الولاية بين المؤمنين وقال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذنك لعلماء الإسلام ils ont un droit. Et cette nasiha envers les ulama, elle consiste à les aimer pour ce qu'ils ont comme religion et pour ce qu'ils dépensent de leur connaissance et du bien qu'ils ont. Et parmi les droits qu'ils ont sur nous, c'est qu'on doit les défendre pour ce qu'ils propagent des questions de la sharia d'Allah et pour qu'ils transmettent de la religion d'Allah et pour ce qu'ils défendent des questions de la religion. Et pour cela, nous devons les défendre. Nous devons défendre les savants de l'islam et nous devons défendre leur honneur. Et nous devons les aimer. وَمِنْ حُقُوقِهِمْ أَنْ يُحَبُّوا أَكْثَرَ مِنْ مَحَبَّةِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et parmi leurs droits, c'est qu'on doit les aimer, c'est-à-dire les savants de l'islam, plus que les autres parmi les croyants. لأن الله عقد الولاية بين المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi l'amour entre les croyants en disant et les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres. يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. C'est-à-dire ils doivent s'aimer les uns les autres et se défendre les uns les autres. ومن المعلوم أن أعلى المؤمنين إيمانا هم الراسخون في العلم أو هم أهل العلم العاملون بما عندهم من العلم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه كلها حقوق واجبة للعلماء لأن لهم في الملة مقاما عظيما. وإذا طعن في أهل العلم أو لم تبذل لهم النصيحة الواجبة بهذا المعنى، فإن ذلك يعني أن تضعف هيبة الشريعة في نفوس الناس. Et donc, on doit défendre les ulama lorsque quelqu'un parle contre eux ou les insulte ou les dénigre. C'est un droit qu'ils ont sur nous. Et on sait que les croyants qui ont le plus haut degré et le degré le plus important, ce sont les gens qui sont fermement enracinés dans la science. Ce sont les hommes de science qui agissent selon cette science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il élève ceux qui ont cru et qui ont reçu la science en degré. Et donc tout ça, ce sont des droits obligatoires de notre part envers eux, envers les savants de l'islam, parce qu'ils ont un degré élevé. Et si les gens commencent à insulter les ulama et qu'on ne leur donne pas la nasiha qui est obligatoire de cette façon, eh bien cela signifie que les gens vont perdre le respect qu'ils ont de la sharia, puisque ce sont les défenseurs de la sharia. Et donc si les gens perdent le respect des ulama, eh bien par conséquent ils perdent le respect de la sharia. لأنه إنما يتلقاها أهل العلم. يقول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc ceux qui transmettent la religion pour les gens et qui leur enseignent la religion, ce sont les ulama. Et donc personne ne peut apprendre la religion excepté s'il retourne aux ulama et aux hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Uniquement ceux qui détiennent la raison se souviennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et uniquement les savants d'entre ses serviteurs, d'entre les serviteurs d'Allah, le craignent réellement. فَالَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَرُبَّمَا يُكَفِّرُونَهُمْ أَوْ يَنْتَقِسُونَهُمْ أَوْ يُسَمُّونَهُمْ عُلَمَاءَ السُّلْطَةِ أو علماء الحيض والنفاس أو يسخرون منهم بقولهم إنهم لا يفقهون الواقع وغير ذلك من الكلام الباطل، فهؤلاء ليسوا من الناصحين، بل هم من المجرمين المفسدين. Et donc ceux qui attaquent et qui insultent les ulama de Ahlus Sunnah, et peut-être même que certains vont aller jusqu'à les déclarer mécréants parmi les gens de l'égarement, et ceux qui les dénigrent, ceux qui les dénigrent et qui les appellent des savants du pouvoir, des savants des palais, ou des ulama qui s'occupent uniquement des saints, des femmes et des choses de ce genre, pour les dénigrer et pour se moquer d'eux, eh bien, en disant comme ça, eh bien, bien entendu, ils ont prouvé qu'ils ne sont pas des nasihin, que ce ne sont pas des gens sincères, que ce sont des gens qui trichent et qui trahissent la Ummah. Ou bien qu'ils prétendent ou qu'ils disent que ce sont des savants qui ne comprennent pas la réalité du monde actuel et qui ne savent pas réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde, qui ne connaissent que la science de l'islam, donc qui ne comprennent pas la réalité. Ceux qui parlent de cette façon sont en réalité des gens qui sèment le désordre sur la terre et la corruption. Et ce sont donc des criminels. لأن العلماء يجب الدفاع عنهم وستر معايبهم فإذا أخطأ العالم السني فيجب بيان خطئه باحترام وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بهم منهم وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. Et donc il est obligatoire de défendre les ulama et de les couvrir lorsqu'ils ont des fautes ou des défauts ou des péchés ou des erreurs. Et lorsque le savant qui est sous la sunna commet une erreur, il est obligatoire de clarifier son erreur avec respect. Et ça, bien entendu, c'est à propos des ulama qui sont sur la sunna et qu'on prend comme guide dans notre religion. En ce qui concerne les gens de la bid'a, les gens de l'innovation, et les gens de l'égarement, ceux qui cherchent à ressembler aux ulama, mais qui ne font pas partie d'eux, alors dans ce cas, pour eux, il est permis de clarifier leur ignorance et de dévoiler leurs défauts pour mettre en garde les musulmans et pour ne pas qu'ils les prennent comme guide et comme exemple. وقد ذكر العلماء بأن التحذير من المبتدعة وذكر أعيانهم وأسمائهم ليس من الغيبة. وذكر الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب ما يباح من الغيبة. Et les ulama ont mentionné que de mettre en garde contre les innovateurs, les mubtadi'a, et de mentionner leur nom et qui ils sont, ça ne fait pas partie de la riba, ça ne fait pas partie de la médisance. Et l'imam al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, il a mis un chapitre juste après avoir parlé de l'interdiction de al-riba, c'est-à-dire de la médisance. Il mentionne le chapitre dans lequel il clarifie ce qui est permis de ce qu'on appelle riba. ثم قال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أبواب. Donc il dit, sache que la riba, la médisance, est permise pour un but correct selon la charia lorsqu'il n'est pas possible de l'atteindre ce but excepté par celui-ci. Et il y a 6 exemples de ça, ou 6 catégories. فسماها ريبة وقال تباح ولكن في الحقيقة ليست هي ليست ريبة بل هي نصيحة فإنها مباحة بل واجبة. فسماها ريبة, il l'a appelé riba, mais il a dit que c'est permis parce qu'en réalité ce n'est pas de la riba, mais c'est une nasiha, hein? Et il a mentionné que c'est permis et que même parfois ça, c'est obligatoire de le faire. Et il a mentionné les 6 catégories, les 6 exemples qu'on va mentionner. الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظلمه، فيقول ظلمني فلان كذا. Le premier cas dans lequel il est permis de faire de la médisance, c'est lorsque quelqu'un est victime d'injustice. Et donc il va se plaindre au responsable, au dirigeant ou au juge. Et il lui dit, un tel m'a fait une injustice. Et ce juge ou ce dirigeant, il est capable de l'arrêter et de le prendre par la main et de l'empêcher de faire l'injustice et de le ramener au droit chemin et à la justice. Donc il est permis de dire dans ce cas-là au juge ou au responsable, un tel m'a fait une injustice, et de le mentionner par son nom. Le deuxième cas, الثاني الاستعانة بالاستعانة على تغيير المنكر ورد العصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاجزره عنه ونحو ذلك، فيكون مقصده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك فكان حراما. Le deuxième cas, c'est la personne qui cherche de l'aide pour changer un mal. Donc, il veut ramener celui qui fait un péché ou qui fait du tort à la droiture et à qu'est-ce qui est correct. Alors, il va voir celui qui est responsable ou celui qui a l'autorité ou le pouvoir de changer ce mal avec la main, comme un policier ou quelqu'un qui est responsable, et il lui dit, un tel fait telle ou telle chose, dans le but de l'arrêter et de le faire cesser son péché ou le mal qu'il fait. Et dans ce cas-là, son but, c'est d'arriver à faire stopper ce mal. Et si son intention est telle, c'est permis de le faire. Tandis que si son intention n'est pas de stopper ça, dans ce cas-là, s'il a une mauvaise intention, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل ذلك له؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز. Et donc l'imam al-Nawawi, il dit, c'est permis également dans les questions de fatwa. Lorsque tu demandes à un mufti ou à un savant, un tel, c'est-à-dire mon père ou mon frère ou ma femme, mon épouse ou mon mari, m'a fait telle injustice, il m'a fait telle ou telle chose. Qu'est-ce que je dois faire pour régler ça ou pour reprendre mon droit ou pour repousser l'injustice? Donc ça c'est permis lorsqu'il y en a un besoin. Toutefois, qu'est-ce qui est mieux encore? C'est de ne pas mentionner la personne spécifiquement ou de dire de façon passive. Une telle personne, qu'est-ce que vous dites au sujet de telle personne ou de tel mari ou de telle personne qui fait telle chose? Et donc, en disant la chose de cette façon, eh bien, on arrive au même but. Toutefois, de mentionner le nom de la personne ou de dire qui la personne est permis également. Wa dalilu fi hadha hadith Hind. لما ذهبت تشكو من زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينفق عليها وعلى ولدها. Et la preuve que c'est permis, c'est le hadith de Hind, lorsqu'elle est allée voir le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'elle lui a dit, mon mari ne me donne pas ce qui est suffisant pour moi et pour mon enfant pour me nourrir ou pour s'occuper de moi. Et donc, elle a mentionné au prophète صلى الله عليه وسلم que c'était son mari. Et le prophète ne l'a pas réprimandé d'avoir dit que c'était son mari. C'est la preuve que c'est permis pour une femme ou pour quelqu'un de se plaindre de quelqu'un d'autre lorsqu'il va poser une question ou demander une fatwa. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه جرح المجروحين من رواة الحديث والشهود. Donc, également une autre catégorie, c'est la quatrième, d'avertir les musulmans contre le mal et de leur donner le conseil dans ces questions-là. Et ça, c'est de plusieurs exemple. Comme par exemple, le fait de critiquer les narrateurs et les transmetteurs de hadith, ou le fait de critiquer les témoins. C'est-à-dire que si tu vas en cours et que quelqu'un amène un témoin contre toi, mais que ce témoin, c'est pas un témoin honnête, hein, ou des choses de ce genre, tu as le droit de mentionner le défaut de ce témoin ou les problèmes qu'il a dans le but de prouver que son témoignage est faux. Et ça, c'est permis selon le consensus des musulmans, même que c'est parfois même obligatoire lorsque c'est nécessaire. Wa minha al-mushawara fi musaharati insan ou musharakatihi ou ida'ihi ou mu'amalatihi ou ghayri dhalika ou mujawaratihi. Wa yajibu 'ala al-mushawar أنه لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. Un autre exemple aussi dans lequel il est permis de faire de la médisance. Alors en réalité c'est pas de la médisance comme on a expliqué, mais c'est la nasiha. C'est lorsque quelqu'un nous demande conseil dans le but de donner quelqu'un en mariage à une personne. Quelqu'un il a une fille et quelqu'un est venu demander sa main. Et il vient te voir, il dit: est-ce que tu connais un tel et un tel? Il est venu, il veut marier ma fille. Est-ce que je peux lui donner? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Et toi, tu connais la personne et tu sais les défauts que cette personne-là a et les problèmes qu'elle a. Tu n'as pas le droit de lui cacher ce que tu sais comme défaut sur cette personne. Et si tu le fais, dans ce cas-là, tu l'as trahi. De même que si quelqu'un vient pour faire un commerce avec toi, tu ne la connais pas bien. Tu demandes à quelqu'un d'autre qui le connaît des renseignements sur lui. S'il connaît des renseignements sur lui, il est obligatoire pour lui de te mentionner les défauts qu'il a et les choses qu'il connaît à son sujet, dans le but de te préserver du mal. Et la même chose pour tout autre conseil, même pour prendre quelqu'un comme voisin ou des choses comme ça. Si on demande conseil au sujet de ces gens-là, eh bien, il est du devoir du musulman de ne pas les trahir et d'être honnête et de dire la vérité de ce qu'il sait à propos de ces personnes-là. Et il ne doit rien cacher de ce qu'il sait de mal de la personne. Et s'il le dit dans le but de donner le bon conseil, dans ce cas-là, il n'a pas commis de péché, et bien au contraire. C'est obligatoire pour lui. وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمِ وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ نَصِحَتَهُ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ نَصِحَتَهُ وَبَيَانُ حَالِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصُدَ النَّصِيحَةَ. وهذا مما يغلظ فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك فيخيل إليه أنه نصيحة فليفطن ذلك. Également, parmi les choses que l'imam al-Nawawi a mentionné, il a dit que si tu vois quelqu'un qui cherche la science de l'islam et qu'il s'en va vers quelqu'un qui est un innovateur ou un pervers pour prendre de lui la science, et que tu crains que cette personne va être affectée négativement par cette personne, alors dans ce cas-là, tu dois lui donner le bon conseil et l'interdire d'aller voir cette personne et lui mentionner ses égarements et lui clarifier ça dans le but que ce soit, bien entendu avec condition que ce soit, pour lui faire le bon conseil. Et ça, c'est parfois des choses qui sont des choses qu'il faut faire attention, yani, surtout parfois quelqu'un peut être poussé par la jalousie ou le shaitan peut le tromper et lui faire avoir l'impression qu'il le dit dans le but de faire le bon conseil ou la nasiha, alors qu'en réalité c'est par jalousie ou pour une autre raison. Et donc quelqu'un doit être sincère envers Allah et avoir l'intention de donner la nasiha lorsqu'il le dit. مثال آخر أن يكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها إما لا يكون صالحا لها وإما أن يكون فاسقا مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن عليه ولاية عامة ليزيله وليولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به أو يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. Et donc il a mentionné également que celui qui a par exemple une responsabilité, un poste comme un ministre ou un maire, quelqu'un qui a une responsabilité mais qui ne respecte pas son engagement comme il faut. Et bien dans ce cas-là, s'il ne fait pas son rôle comme il faut, on peut aller voir quelqu'un qui est au-dessus de lui, parmi les responsables, pour se plaindre de son incompétence, ou du fait que c'est quelqu'un qui est pervers ou insouciant, et on lui mentionne pour que cette personne-là soit enlevé et remplacé par un autre ministre ou un autre député ou un autre maire, quelqu'un qui va être meilleur que lui et qui va prendre sa place. أن يكون الرجل مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر أو أخذ أموال الناس ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به من المعاصي. يعني quelqu'un par exemple qui fait un péché devant tout le monde en public et qui n'a aucune gêne, il est permis dans ce cas-là de le mentionner avec le péché qu'il fait en public. Comme ça, de le mentionner devant tout le monde, puisqu'il le fait déjà de toute façon en public. Comme si quelqu'un boit de l'alcool devant les gens, ou prend, vole l'argent des gens, hein, ou fait de l'injustice, ou fait des choses fausses. Eh bien, il doit être blâmé et critiqué en étant mentionné publiquement avec ce péché-là. والأخير السادس للتعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأصم والأعمى والأحول جازت تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على وجه التنقص أو التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى وهذه الأنواع كثير من المسلمين لا يعرفونها فهذا أمر مهم أن يعرفه كل مسلم. Le sixième, c'est le fait que quelqu'un soit connu par un surnom qui comprend un défaut ou quelque chose de négatif. Comme quelqu'un qui, on l'appelle par exemple l'aveugle ou le boiteux ou des choses comme ça. Si tu le dis dans le but de le dénigrer, c'est pas permis. Mais sinon, s'il est connu par ce nom-là, dans ce cas, c'est permis. Et de connaître ces catégories-là, c'est très important pour les musulmans, pour qu'ils puissent distinguer entre qu'est-ce qui est la nasiha et qu'est-ce qui est la médisance. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui à notre époque, ils mélangent entre ces deux choses-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله, قد يظن بعض المسلمين أنه لا يجوز الرد على من يخطئ أو على المخالف, وقد يظن البعض أنه لا يجوز ذكره باسمه, ولكن الحق في ذلك أن من الأصول الثابتة في منهج السلف الصالح أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال, وأن حماية حوزة الدين واجبة, وأن أهل العلم مؤتمنون عليه, والله جعل السائرين على منهج السلف الصالح جعلهم رحمة للخلق, لأنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق, وغيرهم يجهلون الحق ويلبسون على الخلق. سأبتاد الله. Certaines personnes parmi les musulmans peuvent penser ou croire qu'il n'est pas permis de réfuter la personne qui fait des erreurs ou qui contredit la vérité. Et parfois ils pensent qu'il n'est pas permis de mentionner son nom. Mais la vérité à ce sujet-là, c'est que parmi les fondements qui sont établis dans la méthodologie de Salaf al-Saleh, c'est que la personne, on connaît les hommes par la vérité et non pas la vérité par les hommes. Et le fait de défendre la religion, c'est une chose obligatoire. Et les hommes de science ont la responsabilité de défendre cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les gens qui suivent la méthodologie des pieux prédécesseurs sont une miséricorde pour les hommes, parce qu'ils connaissent la vérité et ils ont une miséricorde envers la créature. Tandis que les autres sont ignorants et ignorent la vérité et ils mélangent la vérité et le faux. Wa min usul al-manhaj al-salaf ar-radd 'ala al-mukhalif مهما بلغ قدره وعلت منزلته فضلا عن الرد على المبتدع وعلى أهل الأهواء والبدع والضلال. وسئل الإمام أحمد, الرجل يصلي ويصوم أو يرد على أهل البدع؟ قال, صومه وصلاته لنفسه ورده على أهل البدع له وللمسلمين, وهذا أفضل. Donc parmi les fondements de la méthodologie des salaf al-salih, il y a la réfutation de ceux qui contredisent la voie d'Ahl al-Sunnah et la vérité. peu importe le degré qu'il a atteint. Et en particulier également si c'est la réfutation des innovateurs et des gens de l'égarement. On a posé la question à l'imam Ahmed. Un homme fait la prière, fait le jeûne sur un rogatoire, ou bien il réfute les gens de l'innovation. Lequel est meilleur? L'imam Ahmed a répondu et il a dit, s'il fait le jeûne, s'il fait la salat, c'est pour lui-même. Tandis que s'il réfute les gens de l'innovation, ça c'est pas seulement pour lui. C'est pour lui et c'est pour tous les musulmans. Et donc c'est meilleur. وذم الله في كتابه فرعون وهامان وقارون وغيرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة التميمي يخرج من ضئ هذا قوم يعني الخوارج وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ولما جاءت المرأة تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار زوجها قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء. Et parmi les exemples, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a mentionné Pharaon et Haman et Qarun et d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également mentionné Dhul Khuwaysira al-Tamimi. Et il a dit, il va sortir de cet homme des gens qui sont mauvais. Et il a mentionné leurs caractéristiques. Il parlait des Khawarij. Et il a dit à Abu Dhar, tu es une personne qui a en lui beaucoup d'ignorance, beaucoup de jahiliya. Et lorsqu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil à propos de l'homme qu'elle devait marier, il lui a dit, en ce qui concerne Muawiyah, c'est un homme qui est pauvre, il n'a pas d'argent. Et en ce qui concerne Abu Jahm, il frappe les femmes. وقالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها إن أبا سفيان رجل شحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écouté la femme d'Abu Sufyan lorsqu'elle est venue. Elle a dit à propos de son mari, Abu Sufyan est un homme avare, chiche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas critiqué d'avoir dit ça. وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْإِسْمِ. Et les sahaba, ils se réfutaient les uns les autres en mentionnant le nom des uns des autres. وَهَذَا بَيَّنَهُ الْعُلَمَاءُ وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَدَّتْ عَلَى عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ الْإِسْلَامِ يَظْلِمُ الْمَرْأَ وَلَا يُعْطِي لَهَا حَقٍ. On voit des exemples de ça dans l'exemple de Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, Aïcha, qui a réfuté plusieurs d'entre les sahaba en mentionnant leur nom. Et ça indique également la réfutation de ceux qui prétendent que dans l'islam, la femme n'a pas de droit. وَلَا يَزَالُ السَّلَفِ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَسْمَائِهِمْ وَهَذَا فِي مَا بَيْنَهُمْ أَمَّا مَعَ الْمُخَالِفِ فَلَا يَخْفَى ما ذكره العلماء في كتب الجرح والتعديل للأشخاص ومؤلفات الأئمة أئمة أهل السنة في الرد على المبتدع والتحذير منهم بأعيانهم وأسمائهم وهذا كثير جدا بل التقرب إلى الله بهذا خير أعمالهم ومن خير أعمالهم بل يعتبرونه من الجهاد في سبيل الله الرد على الجهمية والرد على المريسي والرد على البكري. Donc également, on voit que ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec le fait que parfois les sahaba et les salaf se réfutaient les uns les autres lorsque quelqu'un commettait une erreur. Ils se réfutaient avec politesse et avec respect. En ce qui concerne la réfutation de ceux qui opposent la voie des ulama et la vérité, eh bien on voit les livres de Jarh al-Ta'dil, les livres de critique et d'éloge sont remplis de mentions des noms des gens qui ont des erreurs ou des égarements et des déviations et des innovations. Et les écritures, les livres des savants de la Sunna sont remplis de réfutations des innovateurs et de la mise en garde contre eux en mentionnant leur nom. Et il y a plein d'exemples de ça. Et ils se rapprochaient à Allah en faisant ça. Et ils mentionnaient même leur nom. Et ils considéraient que ça faisait partie du djihad, fi sabilillah, de faire ça. Comme les exemples de la réfutation de Al-Jahmiyyah, la réfutation de Al-Murrisi, la réfutation de Al-Bakri. وفي هذا الزمان كثرت مناهج أهل البدع والضلال والمخالفة لمنهج السلف الصالح أخذوا بقول ما بال أقوام وقعدوا القواعد التعاون والمعذرة والموازنات والإنصاف والغاية من ذلك السكوت عن أهل البدع يعني السكوت عنهم وعن بدعهم وأخطائهم وضلالهم ولا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما بال أقوام في أناس وقعوا في أخطاء اجتهادية لا بأس باستعمالها في موضعها ولكن لكل مقام مقال. Donc on vit dans une époque où il y a beaucoup de méthodologie, les gens de bid'a et de l'égarement propagent beaucoup de mensonges et de faussetés. Et parmi les exemples est qu'il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque certains ont commis une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui ont fait telle ou telle chose, sans mentionner leur nom. Et donc il se base sur ça pour établir des règles, pour dire, on collabore entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse les uns les autres dans les choses dans lesquelles on diverge. Et ça c'est des exemples de règles d'égarement. Ou bien l'exemple de mentionner les défauts des gens de l'égarement et de la déviation lorsqu'on parle d'eux. Et le but de ça c'est de faire taire les gens contre les gens de bid'a, de faire taire au sujet de leurs innovations et de leurs erreurs, pour que les gens continuent à être trompés par eux. Et il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il mentionnait l'erreur des gens sans mentionner leur nom. Et ça c'est dans certains cas bien spécifiques, lorsque c'était suffisant. Toutefois, de défendre les gens de bid'a, tatarrus li ahli al bid'a wa ad-difa' anhum wa as-sukut 'an batilihim ka batil ash-shi'a wal khawarij wa ashbahihim min ahli at-takfir kal ikhwan as-sururiyya wa atba' sayyid qutb wal firaq al-ukhra kas-sufiyya wa 'aqa'idihim al-fasida wa bid'ahum في العقيدة والعبادة والسكوت عن الأشاعرة وغيرهم فهذا غش وخيانة وكذلك عدم التحذير من أهل الفساد من الغش لا يجوز. Et donc de défendre les gens de bid'a et les gens de la fausseté et de se taire à leur sujet comme de se taire à propos des chi'as et des khawarij et de ceux qui leur ressemblent parmi les gens du takfir comme la secte des frères musulmans, les Khwan, ou les Sururiya, ou les gens qui suivent cette Qutb, et d'autres groupes d'égarements parmi les sectes, comme les Soufiyas, et leurs fausses croyances, et leurs fausses exemples d'innovation et de pratiques innovées, et de se taire à leur sujet, et de se taire à propos des sectes comme les Asha'ira et d'autres, ça représente une trahison, et une tricherie envers les musulmans et envers la Ummah, et il y a de se taire contre les gens du désordre et de la corruption est interdit. فيقول الشيخ ابن باز ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعد الله بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيننه ولا تكتمونه وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم فإن سكتنا أو إن سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. Donc l'imam Ibn Baz, il a dit une grande parole. Il a dit, si les gens de la vérité se taisent et cessent d'expliquer la vérité, les gens de la fausseté continueront à propager leurs erreurs et les gens vont continuer à les suivre. Et ceux qui se sont tus auront le péché d'avoir caché la vérité. Et Allah a menacé ceux qui la cachent en disant, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve évidente et comme guidance, après que nous l'ayons clarifié dans le livre pour les hommes, ceux-là Allah les maudit et ils sont maudits par tous ceux qui maudissent. Excepté ceux qui se repentent, qui corrigent et qui clarifient, eux-là, ceux-là, nous allons accepter leur repentance. Et certes, je suis celui qui accepte la repentance et le miséricordieux. Et donc Allah a pris l'engagement des savants, des gens du livre, les juifs et les chrétiens, qu'ils allaient prendre l'engagement de le clarifier et de ne pas le cacher. Et Allah les a blâmés d'avoir jeté le livre derrière leur dos. Et il nous a avertis de ne pas les suivre. Donc si les gens de la sunna se taisent et cessent de clarifier les erreurs des gens qui contredisent le Coran et la sunna, eh bien dans ce cas-là, ils ressemblent aux gens du livre parmi ceux qui ont reçu la colère d'Allah et qui se sont égarés. ومثال ذلك كالرجل الذي يعرف أن البئر ملوث ومسموم ولا يحذر الناس عن ذلك هذا في أمور الدنيا فما بالك في أمور الدين والعقيدة الذي يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة فلا شك أنه أشد فهذه من النصيحة للمسلمين في أمور دينهم ومن النصيحة للمسلمين عامة أن تحبهم وتحب لهم ما تحب لنفسك.